Dans l'extrait choisi, on montre une rencontre dans un programme de la chaîne de télévision Click entre le linguiste français Claude Agege et le rappeur canadien Roy Enoch, deux personnes qui se battent selon elles pour la langue française. Ils parlent de la croissante présence d'anglicisme dans la langue française. Le Roy Enoch se bat contre ce phénomène traduisant des mots anglais dans le rap français, comme par exemple bling-bling, qu'il transforme en bri-bri. Même si Claude Agege s'intéresse à la langue, mais d'une perspective plus scientifique, il est complètement d'accord avec le rappeur canadien, puisqu'à sa manière, il lutte pour le maintien de la diversité contre l'agression impérialiste. Le mot joual vient de l'ancienne prononciation du mot cheval, cheval, au XVIIe siècle, ayant d'abord le sens de français populaire du Québec, mais plus tard de même de français québécois en général. Cette variété orale s'est développée depuis l'arrivée des colons français au Québec pendant l'Ancien Régime. Elle montre multiples traits phonétiques et lexicaux propres. Des particularités phonatoires sont la diphtongaison de voyelles longues, la réalisation de E comme A en syllabe ouverte finale et la réalisation de A comme A en syllabe finale ouverte. Dans le domaine du lexique, on a, à part des emprunts et calques de l'anglais, des expressions comme à cause que pour parce que et gratteux pour avare.